Et du coup, moi, je travaille sur un doctorat de sciences politiques à l'université de Rennes 1. Donc un doctorat que je fais sous la direction notamment de Ronan Le Caudic et de Bernard Brunto, un professeur de la fac de sciences politiques de Rennes 1. Alors du coup, le sujet de cette conférence va être sur la recomposition des mouvements bretons après l'affaire Quévert. Alors ça a été un exercice un peu particulier à faire pour moi, parce qu'en fait, dans ma thèse, moi, je suis rendu plutôt à la période de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai commencé par le début du XXe et j'avance petit à petit vers la fin. Et donc, en fait, cette thématique, c'est ce que je pense être la partie un peu conclusive de mon doctorat, où en termes de découpage, je pense aller jusqu'au mouvement des Bonnets Rouges. En tout cas, j'espère inclure cette période des années 2000, entre Quévert et les Bonnets Rouges, dans mon sujet de thèse. Alors, du coup, là, on avait besoin d'une intervention sur un thème contemporain, pour les questions des mouvements bretons. Alors du coup, on a choisi de faire ça, même si en fait, je ne suis pas encore totalement rendu dans cette partie de mes recherches. Et donc j'ai essayé de prendre un peu les recherches par la fin pour réussir à faire cette conférence. Alors du coup, je me suis basé sur des entretiens que j'ai fait moi-même, qu'une étudiante danoise qui a fait un mémoire de sociologie sur les partis indépendantistes bretons contemporains, avec qui j'ai travaillé, en fait, j'ai pu bénéficier aussi des entretiens qu'elle avait faits. Et ensuite, j'ai travaillé sur les productions de textes des différents mouvements, etc. Alors du coup, je vais commencer tout de suite par les faits, puisqu'on parle de l'affaire Quévert. Alors, le mercredi 19 avril 2000, à 10h, une bombe explose au McDonald's de Quévert, près de Dinan. Alors c'est un engin explosif qui a été déposé près d'une porte de service, et une jeune employée, du nom de Laurence Turbeck, qui venait prendre son service, est morte sur le coup. Donc on ne reviendra pas sur les multiples rebondissements, parce qu'il y en a eu énormément, les rebondissements politiques et judiciaires autour de cette affaire, ni on ne va pas essayer de chercher à savoir est-ce que c'est vraiment l'ARB ou pas qui a fait ce coup-là. On va juste rappeler, en termes factuels, que l'attentat de Quévert, il arrive dans une période qui est marquée à la fois par une recrudescence des attentats en Bretagne, mais quand on prend cette période-là sur un temps plus long, on voit qu'en fait, on est un peu sur une pente déclinante déjà, en fait, par rapport à une histoire qui a été beaucoup plus intense sur ces questions-là. Notamment, le pic, c'est les années 70. Mais pour prendre un peu le contexte qui entoure l'affaire Quévert, alors quelques dates symboliques qui ont précédé cet attentat d'abord. C'est le 30 octobre 1998, il y a une très violente charge de plus de 10 kilos d'explosifs qui provoque beaucoup de dégâts à la mairie de Belfort, qui était le siège de Jean-Pierre Chevènement, qui n'était pas très apprécié des indépendantistes. Et le 18 juin 1999, une autre date assez importante sur cette période au niveau des attentats, c'est la perception de Sainte-Gabelle, je pense qu'on le prononce comme ça, en Haute-Garonne, qui est visée. Et indirectement, la personne qui est visée, c'est Lionel Jospin. Alors ça, c'est un attentat qui arrive dans une période en fait, où il y a un débat relatif à la ratification de la charte européenne des langues minoritaires. Et en fait, l'explosion elle survient 48 heures après le refus de cette ratification par le constitutionnel à cause du célèbre article 2 de la Constitution de la République française. Et le 28 septembre 1999, dernier élément important pour la mise en contexte avant Quévert, c'est 8 tonnes d'explosifs qui sont volées à Plévin, près de Carré, par l'ARB et fait nouveau aussi par l'ETA, un coup qui a été fait par les deux organisations. Alors du coup, comme je disais, présenté comme cela, on peut se dire qu'on est en pleine montée en puissance, mais c'est quelque chose qu'il faut relativiser en termes de la violence politique bretonne. Elle est très clairement sur le déclin, sur une pente descendante. Alors du coup, nous allons réfléchir à différents éléments qui sont en dehors des événements factuels de production de la violence, l'impact de l'évolution de ce phénomène sur les mouvements politiques bretons, dans l'avant et l'après Quévert. On va revenir un petit peu en arrière quand même. Donc la problématique un peu plus précise, c'est dans quelle mesure l'après Quévert amène-t-il une transformation politique et stratégique des mouvements bretons. Alors le premier axe de réflexion que j'ai souhaité mettre en avant là-dessus s'inspire d'une publication très récente en français par une édition bretonne. On va voir une image de McDonald's de Quévert. Et voilà. En fait, le diapo que j'ai fait, c'est un peu pour illustrer, hein, qu'il y a comme beaucoup beaucoup de photos sur cette période, ce serait dommage de ne pas les utiliser. Voilà le genre de tag aussi, on note une recrudescence des tags sur la période d'avant Quévert. Donc la publication en question, celle de Liam O'Ruek, il me pardonnera si j'écorche un petit peu son prénom. Donc c'est un philosophe de formation qui est républicain irlandais, d'Irlande du Nord, de Belfast. Et donc ce livre a été édité à l'occasion du dernier salon du livre de Bretagne à Carré. Donc paix ou pacification, l'Irlande du Nord après la défaite de l'IRA. Alors je me suis inspiré un petit peu de la réflexion qu'il peut avoir, mais une inspiration qui a porté seulement sur la réflexion globale du texte. l'articulation sur la réflexion qu'il a sur le mise au pas de la violence politique en Irlande et qui met en parallèle avec la recomposition politique du républicanisme, que l'auteur, lui, l'analyse comme une véritable transformation idéologique et un large reniement, en fait, du camp républicain. Donc une réflexion comparative qui se devra, bien évidemment, d'être très relativisée. Hein, l'intensité du phénomène violent entre l'Irlande et la Bretagne, c'est quelque chose de très différent. Hein, c'est manifesté de façon très différente, c'est pas les mêmes histoires derrière. Mais on peut quand même aller trouver quelque chose qui correspondait un peu dans le rapport, en fait, entre paix, processus de paix et pacification, qui pourrait être intéressant à mettre en perspective. Donc on va voir ça, en fait, en comparant un petit peu avec des formations militantes bretonnes, l'apparition des formations militantes bretonnes apartisanes, non-partisanes, transpartisanes, qui vont arriver après la période de violence clandestine classique du FLBRB. En fait, c'est-à-dire que les collectifs de soutien aux prisonniers politiques, les collectifs de désobéissance civile, civique, en fait, tout un ensemble de phénomènes qui vont faire perdurer une forme d'action violente ou pas, si on va en discuter, en tout cas illégale, allégale, etc. Et dans cette partie, on va parler un peu d'abord de la formation et de l'évolution du coup des pratiques violentes, illégales dans les mouvements bretons. C'est-à-dire qu'on va le voir en termes de répertoire d'action utilisé, un répertoire d'action hein, du concept de Chartilly qui a été beaucoup retravaillé, questionné, remodelé, bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est un terme qui correspondait bien en fait pour les différentes organisations qu'on va étudier sur cette période et les liens qu'il y a entre elles, l'imaginaire et la violence. On peut vraiment l'analyser en termes de répertoire d'action collectif au sein des mouvements bretons, qui est plutôt intéressant. Et nous verrons plus qu'une fin réelle des pratiques violentes ou illégales dans la pré-affaire Kébert, on observe dans un sens une transformation et une réinterprétation générationnelle à la fois des pratiques illégales et violentes, mais aussi surtout de l'imaginaire qui découle de ces pratiques. Et bon, là-dessus, du coup, on va préciser par rapport au livre de Liam que le comparatif Irlande-Bretagne, pourquoi on ne peut pas vraiment le faire entièrement, c'est parce que, du coup, comme je disais, la nature de la violence n'est pas les mêmes. Et il faut voir même que la nature de la violence politique bretonne, elle est souvent considérée comme étant vraiment stricto bretonne, quoi, et même pas comparable à ce qui se passe au Pays Basque, ce qui s'est passé au Pays Basque ou en Corse, etc. Parce que la violence bretonne, dans la seconde partie du XXe siècle, elle est connue pour avoir une spécificité, c'est ne pas avoir été organisée pour tuer ou blesser. En tout cas, avant l'affaire Kévert, il y a seulement deux personnes qui sont décédées dans les activités du FLBRB et qui étaient deux militants de ces organisations. Yankel Kernaleghen en 1976 à Châteaulin. D'ailleurs, il y a un livre en breton qui est sorti il y a peu là-dessus, qui revient sur tous les textes en fait, qui font référence à Yankel Kernaleghen. Et Christian Lebihan en 1985 à Guingamp. Mais dans un sens, on pourrait dire que cette violence, elle est du coup limitée à de la dégradation de biens, parce qu'elle n'est pas organisée et pensée pour viser les personnes. Et la violence bretonne pour la dégradation de biens, en fait, c'est quelque chose qui existe avant et après Kévert. Mais la grande différence entre les deux périodes, c'est pas tant du coup sur la pratique en soi, mais sur la façon dont elle est faite. C'est-à-dire qu'une dégradation de biens avec de la peinture, ce n'est pas la même qu'une dégradation de biens avec de l'explosif, évidemment. Et ce qui va changer aussi beaucoup, c'est l'imaginaire, en fait, l'imaginaire clandestin qui est lié à ces actions illégales de dégradation de biens, en fait, qui, au final, des mêmes méthodes, peut avoir un message politique et donc une réalité bien moins radicale. Alors après cette première partie, qui traitera à la fois de Diba, Baïta, 44 Braise, Sab, etc., après, je vais revenir un petit peu sur les partis politiques et sur les traditions militantes des différentes familles des mouvements bretons et sur la réinvention des cadres d'expression du politique à travers les nouvelles formations qui apparaissent dans les années 2000. Donc là-dessus, on va voir le passage du peuple au parti breton à Tsao et de Mgand à Brésistance. J'aurais voulu revenir un petit peu sur les évolutions au sein de l'UDB, mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps. Peut-être qu'on pourra en parler un peu dans les débats. Après, on parlera des partis sur cette deuxième partie, mais pas que, parce que vous savez bien qu'en Bretagne, ce n'est pas forcément l'activité des partis politiques qui permet de mesurer la teneur et l'implication des mouvements bretons sur la société. Alors, ta petite citation de Liam sur l'opposition qu'il fait hein, dans le processus de paix, en fait, entre justement pacification et processus de paix. Intéressant. Alors du coup, on va parler un mini processus de paix ou une relative pacification. Bien sûr, du coup, je mets des guillemets un peu sur les concepts de l'IAM appliqués au cas breton. Alors, un répertoire d'action collectif imaginaire de la violence politique bretonne. Alors, du coup, moi, j'aurais voulu, en fait, aborder un peu la question avec un concept, le concept d'un cercle allégal de la violence. Parce que, c'est-à-dire, en fait, c'est tout ce qui va entourer la question de la violence politique dans les mouvements bretons. C'est-à-dire qu'il y a les événements illégaux, à proprement parler, mais l'influence et l'impact de la violence politique dans les mouvements bretons ne se limitent pas seulement à ces actes illégaux. En fait, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui entoure. Donc, en amont du cercle allégal de la violence, il y a les événements qui sont strictement illégaux, c'est-à-dire les attentats. Et de fait, on peut analyser les conséquences premières de ces actes comme la production d'une sorte de chasse gardée politique pour la question indépendantiste. Une chasse gardée qui est certes à double tranchant, mais qui est réelle. Et à double tranchant parce que, tout simplement, en fait, les acteurs de ces attentats n'ont pas les moyens, en fait, de... C'est pas eux qui vont décider comment ça va être traité, comment, par la presse, etc. Après, ils prennent, bien évidemment, ils prennent la parole autour de ça, par la pratique du communiqué. Mais l'impact, la façon dont ça va être diffusé au grand public, c'est quelque chose qui, bien évidemment, leur échappe. Alors, on pourrait penser que ces actes, les actes attentats, ne concernent que les organisations clandestines et illégales, à proprement parler. Du coup, qui, par les communiqués, expliquent avec leurs arguments, défendent et font parler de leurs idées. Mais néanmoins, l'imprégnation longue et relativement puissante à certaines époques sur la vie politique bretonne de ces phénomènes a imposé à l'ensemble des organisations bretonnes de prendre une décision sur comment se positionner par rapport à ça. Alors certaines organisations comme l'UDB ont condamné depuis très très longtemps ces pratiques. Et aucune organisation n'a ouvertement revendiqué la défense de ces attentats. On verra avec M. Gantz, ça a un petit peu changé sur la fin du siècle. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose d'assez classique. Et même si on remonte aux tout premiers attentats bretons en 1932 avec le groupe Gonadu, déjà en fait le seul journal ou parti qui défend les attentats, c'est le PCF et l'Humanité, qui ouvertement dit que ce sont des pratiques normales et légitimes. Même le journal Brezatao et le PNB disent on comprend les méthodes, c'est un discours très classique qu'on retrouve tout au long du XXe siècle, la question de la violence. C'est on ne comprend pas les méthodes, on est contre la violence, mais on comprend les raisons qui ont fait que... Ce genre de choses arrive. Alors malgré une séparation officielle évidente, du coup, entre parti politique et action clandestine, sur la fin du siècle, c'est des liens qui se rapprochent un petit peu, donc, comme je disais avec M. Gand, parce que sur la fin, tous les communiqués de l'ARB, par exemple, passaient systématiquement par le journal d'M. Gand. Et c'est une association qui, en plus, était largement faite par la presse et les hommes politiques. Ça donne lieu à certaines anecdotes qui sont assez amusantes. Par exemple, des gens dans des entretiens qui racontent qu'ils étaient en train de faire de la diffusion du journal d'M. Gand dans la rue, sur les marchés, etc. Et qu'il y a des gens qui venaient les voir en leur donnant de l'argent. On veut donner de l'argent au FLB, tenez, prenez de l'argent. Ils ne voulaient même pas du journal, ils voulaient juste donner au FLB en allant donner en fait aux militants d'M. Gand. Il y avait aussi quelque chose qui peut paraître aussi assez intriguant aujourd'hui. Sur les tables de presse dans les événements d'M. Gand, il y avait des boucles de ceinture avec le logo de l'ARB, il y avait des t-shirts qui relativisent un peu le truc pour amener un peu une touche du banc là-dessus, avec association de relance du bâtiment, etc. Ça donne un peu l'idée en fait de l'imprégnation qu'il y a sur la fin du XXe siècle avec M. Gand, en fait de la violence politique qui fait un peu partie du décor, quoi, si vous voulez. Il y a aussi une autre anecdote intrigante là-dessus. Ben, Éric Blainvel, qui était le porte-parole d'M. Gand en 2000, il raconte qu'une journaliste du Figaro faisait un entretien pour faire un papier sur M. Gand, et elle demandait à la fin, à tout hasard, si jamais il pouvait faire un attentat dans les deux semaines avant que ça publie l'article. Comme ça, ça permettrait de le passer dans le journal. Donc un en particulier, un quelque peu inédit de fonctionnement entre le mouvement légal et illégal, sur lequel on reviendra. Mais en tout cas, comme je disais, c'est quelque chose qui fait vraiment... qui est vraiment très très présent quand on fait des entretiens avec des gens qui ont vécu en fait cette période, c'est l'impression que la violence faisait vraiment partie du décor. Et qu'il y avait au final assez peu de recul, enfin certains l'analysent comme ça, certains en s'imitant d'M. Gand l'analysent, du coup le fait qu'il y ait peu de recul et peu de vraiment réflexion, de position prise sur la violence qui faisait vraiment partie du décor, aurait pu amener en fait à certains clashs au moment de l'affaire Quévert. Enfin, on reviendra un peu là-dessus sur M. Gand après. Donc en amont de la violence politique, l'ostracisme de l'illégalité de la violence politique bretonne n'a jamais été absolu. En fait, même si elle est plus ou moins importante selon les périodes, même si selon les périodes les groupes clandestins sont plus ou moins coupés du reste des mouvements bretons, c'est jamais quelque chose qui est total. Il n'y a jamais de frontière vraiment hermétique entre les deux. Et que ce soit en termes de, de sociologie politique, c'est-à-dire des militants en fait qui vont être à la fois dans les deux et de liens aussi idéologiques. Donc la fin des attentats, de fait, ça a mis fin à un certain rythme politique, un rythme politique impulsé par la violence, qui est lié du coup à, qui va se passer par la couverture médiatique, une couverture médiatique qui est propre à la question indépendantiste, mais qui va aussi se manifester à travers autre chose comme la question des prisonniers, qui va, où là aussi c'est la violence politique de fait qui impose son rythme au reste des mouvements bretons. Donc ici, là, c'est une photo de un des attentats les plus connus hein, du FLD en 1974, au retrait du Don, et puis on en reparlera un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs, quand on parlera d'Aïta. Et donc, en aval de ce cercle, cercle de la violence, la question des prisonniers politiques. Donc ça, c'est un autre effet, en fait, comment la violence politique bretonne impose son rythme dans la seconde partie du XXe siècle. Que dans la suite des attentats, il y a un rythme qui se met en place, qui est quelque chose d'assez classique, qu'on observe dans beaucoup de mouvements politiques, celui de action, répression, mobilisation. Et dans la seconde partie du XXe siècle, les luttes pour les prisonniers politiques bretons sont d'une importance considérable. Il y a beaucoup d'organismes dans ce qu'on appelle de l'anti-répression qui sont mis en place depuis très longtemps, en fait, et qui ont fonctionné depuis les années 70, en fait, en 69, pour être plus précis, avec la première association de la sorte qui est créée, qui est Squaz-Elvrais, qui existe encore aujourd'hui, le Secours Breton. Alors, c'est une initiative à l'origine qui est liée avec des personnes qui sont maintenant bien connues hein, de l'histoire des mouvements bretons, cette période, l'avocat Yann Chouk, l'écrivain Xavier Graal, le druide Gwenc'hlan Le Squezec aussi. Et ensuite, quand on va vers la fin du XXe siècle, il y aura d'autres organismes de la sorte qui vont être créés. Dans les années 80, ça va être les CAD, les Kuzulu and Historiadec, donc les comités pour l'amnistie, qui réussissent parfois certains tours de force d'ailleurs. Toute cette vie militante qui est liée à la question des prisonniers politiques, parfois elle est réussie comme à Guingamp en 82, pour une fête de l'amnistie, à rassembler plus de 10 000 personnes. Ce qui est assez considérable en fait pour un événement fait par différentes tendances des mouvements bretons, c'est un chiffre quand même assez important qu'on ne retrouve pas non plus tout le temps. Et dans le même genre, il y a aussi les CARB qui sont créés après l'affaire Quévert, donc la coordination antirépressive de Bretagne, donc là qui va lutter dans les années 2000. C'est la dernière organisation de la sorte hein, qui a été créée sur cette question des prisonniers politiques. Et donc dans la seconde partie du XXe siècle, les luttes pour les prisonniers politiques sont une forme nouvelle de militantisme breton qui apparaissent. Et qui n'est jamais entièrement coupé des organisations politiques, mais qui a tout de même sa vie propre, et qui est une autre facette de l'action militante, et parfois même plus propice, dans un sens, à l'ouverture sur certains points. En fait, c'est sûr qu'entre la violence clandestine et les formations comme les CAD ou les Squaz-Elvrais, il y a une ouverture plus grande, en fait, sur la société à travers ces organismes, c'est sûr. Et donc ces organisations politiques... Sur la question des prisonniers, ils vont aussi faire que le rythme de la question de la violence va de nouveau venir toquer en fait, à la porte des partis politiques. Parce que d'un côté, les partis politiques bretons ont dû se positionner sur les questions strictement illégales, sur la question des attentats, est-ce qu'ils soutenaient ou pas, etc. Mais il y a aussi un deuxième positionnement qui vient derrière, suite aux arrestations et à l'apparition des prisonniers politiques, ça va être quelles seront les positions des partis entre un soutien... réel ou un soutien très, très léger, en fait, une implication plus ou moins importante. Et là-dessus, on observe d'ailleurs qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de consensus, en fait, entre les organisations bretonnes sur la question des prisonniers, bien évidemment, que sur la question des attentats. Comme disait, par exemple, l'UDB qui rejette les attentats, par contre, mettait aussi la main à la patte, en fait, pour tout ce qui était anti-répression. Et c'est aussi le dernier moment dans cette partie de l'aval du cercle à l'égal de la violence. Il y a aussi la question des procès, en fait, qui arrive aussi derrière et qui ont pareil permettre une ouverture en fait des questions soulevées par la violence politique bretonne dans l'espace public. Et alors ça, c'est quelque chose aussi de très ancien en fait quand on regarde l'histoire des mouvements bretons dès 1911 avec les premiers indépendantistes. Il y a Camille Lemercier-Derme qui, avec d'autres militants, qui vont perturber une cérémonie. Et qui vont derrière rechercher en fait de faire du procès une tribune pour les idées politiques bretonnes. C'est la même chose dans les années 30 quand De Beauvais, qui était en cavale, vient se rendre à la police. Il veut en fait se rendre pour utiliser le procès pour faire parler en fait des idées bretonnes. Et ça a permis à certaines époques de montrer un soutien très très large en fait aux luttes bretonnes et même à cette frange la plus radicale qui est celle de la clandestinité. Dans les années 70, il y a des personnalités comme Le Drian, qui est passé à, Jean-Yves Le Drian, qui est passé à la barre pour défendre les gens du FLV, des personnes comme Michel Rocard, comme des artistes aussi comme Glenmore, Servat, d'anciens résistants. Et ça permettait d'afficher de façon un peu inédite en fait, un soutien très, très large de différentes sphères de la société au mouvement politique breton. Alors, du coup, que ce soit dans le discours de ces personnalités, dans les affaires judiciaires et à violence, ou les prises de position sur les prisonniers politiques, on voit donc que la question de la violence, même clandestine, apporte à travers ce cercle en aval de la légalité, apporte un discours de rationalisation en fait sur l'action violente, quelque chose qui vient contrecarrer le traitement médiatique en fait. C'est à la fois les organismes de prisonniers, les procès et tout le débat qui va accompagner en fait le moment médiatique de la couverture des procès va être un moment en fait de rationalisation de l'action violente. Un autre élément en fait qui montre que la question de la clandestinité en fait n'apporte pas du tout un ostracisme au final à la violence politique bretonne. Mais au final, les groupes illégaux en question dont on parle, donc FLB, RB et d'autres petits groupes du genre, n'ont jamais réussi à atteindre dans un sens leur objectif concret et idéaux par la violence. C'est-à-dire leur objectif, quand on prend par exemple les positions de la RB des années 80-90, et déjà on voit ça dans les années 70, il y a une idéologie qui est assez claire sur la création d'un socialisme breton autogestionnaire dans une république indépendante, etc. Donc ça, bah, ça n'a jamais été obtenu par la question de la violence. Hein. Mais il y a un autre chose sur la fin de la violence qui n'a pas été obtenue non plus, ce qui a pu être plus le cas dans d'autres pays, et du coup qui, par rapport aux questions de processus de paix ou pacification, a son importance, c'est en fait comment certains groupes clandestins peuvent réussir à mettre dans la fin de leur activité un élément de poids de négociation en fait, avec l'État pour l'obtention de revendications certaines revendications souvent anciennes qui pour le coup ne sont pas en général l'apanage des mouvements clandestins mais qui peuvent être des revendications portées par des mouvements légaux aussi. Et alors ça, s'il n'y a pas eu ce genre de scénario pour la Bretagne, il n'y a pas réussi d'avoir d'acquis fondamentaux qui ont pu être gagnés. Et sur du coup, ça a une importance en fait, sur la fin de la violence clandestine. Par exemple, quand on regarde le cas de la Corse, là, il y a une situation un petit peu différente là-dessus. Quoi. Du coup, la question de l'autodétermination ou même de la simple question de la reconnaissance en fait, du peuple breton comme une entité particulière n'a jamais pu être la base à des négociations pour l'arrêt des violences. Et la fin précipitée du phénomène politique violent après l'affaire Quévert accentue d'autant plus cet élément. En fait. Il n'y a pas de négociation officielle, ni de trêve ou de dissolution. Il y a ça s'arrête en fait avec une livraison d'explosifs qui avaient été volés à Plévin, qui sont rendus à un juge, mais ils sont rendus dans un signe d'apaisement, mais qui ne sert que pour négocier sur le traitement des prisonniers, et pas sur les questions de revendication en fait, portées par le mouvement clandestin. Et ça se termine aussi par un communiqué de l'ARB en 2000, c'est le dernier communiqué du coup qui a été fait, et qui dit, je cite, que l'ARB se met en observation vigilante de la situation. Donc qui dit qu'ils arrêtent leurs activités, mais qu'ils gardent leur capacité d'action en cas de besoin. Donc il n'a jamais donné suite du coup, mais c'est comme ça que ça s'arrête officiellement, on va dire. Donc l'arrêt de la violence n'a pas pu être négocié contre l'obtention de droits nouveaux. Et de plus, ces mouvements ont dû, les mouvements politiques bretons dans l'après-Quévert, ont dû s'adapter donc à la disparition de cette vie politique, de ce cercle politique allégal qui était lié aux attentats. Et d'autant que les mouvements politiques ont dû donc se reconfigurer et s'adapter à cette fin, à la fin de ces activités, alors qu'on est là quand même dans un héritage ancien, quelque chose qui a plus de 50 ans d'existence, et où il y avait un lien de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'affaire Quévert. Comme quand je parlais d'Emgand, il y a un lien déjà qui était organique dans les années 70 et qui a l'air encore plus de s'accentuer. Et donc c'est aussi une question posée par cette intervention, c'est comment en fait les mouvements politiques vont réussir à dépasser cette fin en fait de la violence politique qui était beaucoup strictement réservée à la question bretonne. Et donc avec l'affaire Quévert, d'autant plus l'image du terrorisme non sanglant breton en fait va être considérablement écornée, voire presque disparate. C'est une époque où on voit dans la presse des phrases comme le terrorisme souriant de l'ARB devient un terrorisme sanglant, etc. dans les entretiens moi, j'ai pu réaliser avec des militants de cette époque-là, c'est des gens qui disaient quand il y avait des attentats, ça faisait sourire tout le monde, parce que c'était peut-être des choses qui étaient très impressionnantes, avec un imaginaire de radicalité très fort, mais qui au final, puisqu'ils ne faisaient pas de victimes, etc., n'étaient pas perçus forcément comme quelque chose de sanglant, en fait, du tout. Et donc ce répertoire d'action lié à la question violente, il disparaît, mais il réapparaît très vite sur d'autres formes, avec d'autres générations en fait, qui vont réinvestir la question de l'illégalité bretonne, mais d'une façon très très différente pour le coup. Donc là, on va passer à la seconde partie sur la désobéissance clandestine, la désobéissance civique. Donc ça, c'est une photo en fait d'une action de SAB, Stormar Brezhonek, qui est là une photo prise aussi au trait du Don, toujours. Et donc, on va parler un petit peu là-dedans, en fait, du comparatif entre SAB et AETA, qui est assez intéressant pour se rendre compte de la transformation de l'imaginaire liée à la question de l'illégalité et de la violence sur cette période. Parce que AETA, du coup, apparaît après l'affaire Kéver. Et SAB, donc, du coup, il y a eu la dernière intervention d'Hermine qui était sur ce sujet-là, faite par Thomas Laken, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais on va situer un petit peu quand même l'histoire de SAB, pour faire un comparatif qui est intéressant sur la question des luttes pour la langue bretonne, justement, en fait, entre passage d'un imaginaire de la clandestinité à un nouvel imaginaire de l'illégalité qui est très différent, pour le coup. Donc, alors SAB, c'est, pour Stormar Brezhonek, la lutte pour la langue bretonne, c'est un ensemble d'organisations, en fait, qui se crée dans les années 80, liées à des militants de Skolem Zao et d'Emgand. Et il se fait connaître, donc, dans la décennie 1980, autour de différentes campagnes en fait pour la défense de la langue bretonne. Alors la plus connue c'est la campagne de barbouillage des panneaux, c'est ça qui a un peu marqué les esprits. Ça c'est du coup les images de TAC pour des campagnes qui existent aussi sur la question en fait du breton à la télé. Ils ont les grandes campagnes de SAB, c'était à la fois les panneaux pour la signalétique bilingue, la question de la télé avec notamment des campagnes par exemple de boycott de la redevance, et qui a reçu un écho quand même assez important. Et il y avait aussi des questions liées au recensement, en fait, intégrées dans les recensements des questions sur la pratique du breton. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait ce listing-là, c'est très très proche des thématiques que va avoir AETA, en fait, et des campagnes que va mener AETA, c'est vraiment très comparable. Il y a aussi sur la SNCF également. Donc voilà l'exemple des panneaux barbouillés par SAB. Alors des actions qui vont avoir des effets hein, pour le coup dans les années notamment dans les années 90 sur années 80-90 en fait sur une généralisation du bilinguisme sur les panneaux pour certaines parties de la Bretagne, pas pour toutes, mais notamment dans le Finistère, les Côtes d'Armor et même en partie en Loire-Atlantique. C'est quelque chose qui est devenu qui fait partie maintenant du paysage, même s'il n'est pas absolu. Ensuite, on va passer à AETA. Donc, dans les années 2000-2010, c'est une période du coup où AETA commence à se faire connaître. Et donc, ça, c'est un élément intéressant en fait sur de comparaison avec SAB. C'est parce que à côté en fait d'AETA, qui est vraiment maintenant ce qui est le plus connu, il y a toujours des actions revendiquées SAB en fait qui ont existé, mais c'est plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire que c'est plus l'organisation avec ses actions régulières, ses communiqués, qui agit de façon quelque peu structurée. Ça va être plus sur des actions très sporadiques, où ça va être des militants qui vont utiliser le nom SAB, un peu comme une marque en fait, qui a perduré dans le temps, mais qui n'est pas du tout comparable en fait à ce qui existait avant. Par exemple, il y a une genre d'action qui a pu être faite plus récemment, c'est en 2012, les panneaux de l'entrée de la ville de François Fillon avaient été volés, et qu'ils étaient réapparus en haut du Mai des Brés avec un communiqué signé SAB, pour le coup. Alors AETA s'est créé en 2005, et du coup c'est une organisation qui ne revendique pas directement la filiation avec SAB, mais qui se revendique plus en fait en termes d'héritage politique des démos basques. Alors ça c'est un mouvement basque du coup qui se revendiquait de la désobéissance civile et de la non-violence, qui existait dans les années 2000-2010 et qui s'est autodissous autour des années 2010. Alors, à la différence d'AETA, le mouvement des démos, il ne se limite pas seulement à la question linguistique. Il agit aussi en fait pour la question du droit des prisonniers, pour la reconnaissance d'une entité en fait Pays Basque Nord, dans la partie française. Mais le lien entre les deux groupes, entre les démos et Sab, se retrouve plutôt autour d'éléments, en fait, d'éléments symboliques et même d'images, en fait, en termes d'images, notamment l'utilisation de couleurs très flash, c'est l'orange pour Alta, c'est le jaune pour les démos, et sur les stratégies, en fait, et les méthodes d'action employées, qui sont assez comparables. Et alors, du coup, pour revenir pour le coup sur le lien entre Sab et Aïta, du coup, on voit qu'il y a un imaginaire qui est assez différent, en fait, entre les deux. Parce que l'imaginaire qui va être mobilisé autour de Sab, ça reste quelque chose qui est lié à la clandestinité. Bon, pour le coup, par rapport aux attentats, une clandestinité qui est bien, bien moins radicale, mais qui ne fait pas forcément des actions en plein jour, comme le fait Aïta, qui va chercher de se démarquer de ce genre de choses. Et avec ça, on a l'utilisation d'un cycle très typique de cette époque-là, des acronymes avec des utilisations de communiqués, de mise en scène, en fait, un peu d'une radicalité qui amène un impact psychologique, en fait, supérieur à la pratique de l'action réelle, en fait. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir entre les deux, c'est qu'il y a des méthodes qui sont très proches. C'est-à-dire que là où Sab peignait des panneaux, Aïta va mettre des autocollants. Et sur les campagnes où vont être ciblées en fait les actions, comme je disais tout à l'heure, il y a panneaux de signalisation pour Aïta comme pour Sab, la SNCF pour les deux, le recensement pour les deux, les médias pour les deux. Alors les méthodes d'action les plus visibles du coup d'Aïta, ça va être à la fois ces autocollants-là qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui en Bretagne, et ça va être aussi des actions type happening, en fait, en plein jour. Donc là, c'est à Gare de Quimperlé, il me semble. Une action, du coup, avec une mise en scène importante, en fait, pour faire ce qu'on appelle des happenings, ce que le sociologue Patrick Champagne appelle des mobilisations pour journalistes. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, Aïta, au final, s'inspire plus des méthodes qui étaient employées par Greenpeace ou par ACT UP, notamment à partir des années 80, que des méthodes de Sab, pour le coup. C'est-à-dire que les actions, elles sont pensées en termes de retombées médiatiques. Alors, dans un sens, vous allez me dire, comme pour les attentats, elles sont pensées en termes de retombées médiatiques aussi. Et dans un sens, c'est vrai, mais c'est des actions qui cherchent une illégalité acceptable. C'est-à-dire qu'il y a des militants d'Aïta qui passent au tribunal pour des actions, parce que mettre un autocollant sur un pas d'utilisation, c'est interdit en soi. Donc ça reste une pratique illégale, et si on limite la question de la violence bretonne à la dégradation de biens, on pourrait presque dire que c'est de l'action violente. Mais au final, c'est plus de l'illégalisme non violent que Aïta cherche à mettre en place, et en partie justement pour pouvoir en fait impacter plus peut-être médiatiquement et plus contrôler l'impact médiatique de leurs actions. Et donc il y a une volonté évidente d'agir en plein jour, le visage découvert. Et ça, c'est quelque chose du coup qui est assez différent en fait de l'imaginaire de la clandestinité qui était lié à Sab. Donc néanmoins, si Aïta emprunte une grande partie de ses codes mouvements historiques non violents et désobéissants, il n'est pas non plus totalement coupé de l'imaginaire des luttes passées et de l'imaginaire violent et clandestin breton. C'est-à-dire que l'identité du groupe, il est très lié à ce double héritage en fait, d'où une originalité assez claire dans le monde militant breton. Et d'où l'imbrication parfois paradoxale de ce double héritage sur certains événements, comme par exemple, donc là c'est de poser le panneau. Alors ça c'est un événement qui était intéressant à étudier sur ce sujet-là pour le coup. En 2014, Aïta décide de faire une fête à Rortrée du Don, la Boum d'Aïta, pour célébrer du coup 1974, célébrer l'attentat du FLB à Trédudon, qui était déjà en fait un attentat qui avait été revendiqué pour le breton dans les médias, le breton à la télé. Et donc, estimant que ce qui a été fait depuis n'est pas suffisant, les militants d'Aïta ont fait une mise en scène un peu particulière. Donc ça, c'était une conférence de presse du coup, qui a été faite à Rennes pour annoncer en fait la journée de mobilisation à Trédudon. Et qui est du coup qui est vraiment pour le coup une référence à l'époque de la clandestinité bretonne, et alors quelque chose qui peut sembler un peu paradoxal pour des personnes qui se revendiquent de la non-violence, une mise en scène avec des cagoules et des armes à eau, certes, mais une fausse arme quand même. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des entretiens avec certains militants qui avaient connu l'époque des attentats et quand je leur parlais de cet événement-là, ils avaient été assez mal à l'aise. Après, on peut comprendre en termes de génération, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans l'État une grande partie des... C'est beaucoup de jeunes, en fait, qui n'ont pas forcément connu cette période. Mais il y en avait certains d'entretiens qui trouvaient ça un peu paradoxal et qui leur ont même demandé, mais si demain, Trait du Don, ça pète à nouveau, est-ce que vous assumez de faire ça comme, comme mise en scène ? Et donc, dans un sens, il y a ce double héritage qui est présent, mais là, pour le coup, comme on le voit, c'est de façon « bon enfant », entre guillemets, tout humoristique. Donc on voit que c'est une véritable réinterprétation, en fait, générationnelle de cet imaginaire de la violence clandestine qui était lié au XXe siècle. Du coup, quelques autres images de cette mobilisation. Donc ça a été une manifestation jusqu'à l'antenne et ensuite une soirée-concert. Et quand on parle d'imaginaire de la violence, pour le coup, voici une banderole qui avait été faite pour la manifestation. Donc « Que vive la RB », qui est écrit en breton, et une banderole qu'on retrouve pendant la soirée-concert après, sur scène pour la Boom d'Aïta. Alors avant de passer à la seconde partie, sur les partis politiques, je vais revenir un petit peu sur d'autres organismes nouveaux qui se créent dans les années 2000 après Quévert. C'est notamment 44 BZH qui est créé en Loire-Atlantique. Alors comme Aïta, le groupe se revendique de la désobéissance civile. Mais quand on fait une analyse comparée des pratiques employées, pour le coup, on pourrait penser que en fait, ce groupe-là, ça serait plus de la désobéissance civile au sens premier en fait, du livre d'Henri David Thoreau, qui littéralement, c'est, le premier titre, c'est « De la résistance au gouvernement civil », qui est devenu ensuite « Désobéissance civile ». On va dire que pour 44 Braise, ça correspond un peu plus à la réalité. C'est-à-dire que c'est un collectif qui revendique certes la non-violence, mais qui revendiquent aussi le sabotage, et ce qu'ils appellent le sabotage du matériel de propagande des Pays de la Loire. Et c'est-à-dire, concrètement, en fait, ça va être une génération des tags, donc les tags 44 BZH qu'on voit même un peu partout en Bretagne aujourd'hui, donc sont partie de ce collectif. Il y a aussi parfois des actions un peu plus radicales, entre guillemets. Il y a un autre nom de collectif qui est lié à 44 Braise, qui est le groupe Intervention en Réunification, et qui, pour le coup, fait des actions sur le modèle de SAB. C'est-à-dire, il y a des vidéos, bon, on peut encore les trouver sur Internet, hein. Des vidéos où, par exemple, des militants de ce collectif rentrent dans un dépôt de bus, et vont taguer tous les bus avec les pubs de la région Pays de la Loire. Et vont taguer des grands 44 BZH partout sur les bus, et qui, après, font des communiqués pour le revendiquer. Alors, c'est un collectif qui a pratiqué... l'action directe non violente, entre guillemets, notamment dans les manifestations, avec du coup des tags et donc de la dégradation de biens, dans un sens. Et c'est un collectif qui naît d'une manifestation, qui est très lié à une existence vraiment sur le terrain, dans la rue. Il naît avec une festimanif, et ensuite il se fait connaître dans d'autres mobilisations qu'il a réussi à faire seul, à côté de ce qui existait déjà comme organisme pour la question de la réunification. Du coup, la dégradation avec des tags, ça c'est une photo du palais de région des Pays de la Loire qui est du coup pour le coup attaqué entre guillemets avec des ampoules de peinture. Donc là pareil, c'est la dégradation de biens, mais je veux dire, c'est pas très très très radical. Enfin, si on compare sur la question de la mobilisation pour la réunification, quelques années avant, il y avait l'RB qui faisait exploser ce palais de région. Là, c'est des ampoules de peinture, peinture dessus. Et pareil contre la police aussi. Donc ça, c'est, par contre, pour le coup, c'est des genres de méthodes qui ne sont pas du tout pratiquées par Aïta. Aïta, ils ont les méthodes non-violence totale sur, par exemple, s'enchaîner les uns les autres face à la police pour être arrêtés petit à petit, mais ils n'ont pas du tout au contact, par exemple. Ça, c'est plus propre à 44 Braise, on s'en parle après. Alors 44 Braise, ils arrivent dans une époque, en fait, où dans les luttes pour la réunification, il n'y avait que l'héritier du comité pour l'unité administrative de la Bretagne, qui est ensuite devenu Bretagne Réunie. Bon, les relations sont compliquées, hein, d'ailleurs, entre les deux organismes. Mais en somme, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'il y a clairement une nouvelle génération qui se saisit de la question de la réunification à une époque où, en fait, il y avait assez peu de choses qui étaient faites, si ce n'est une manif tous les ans, tous les deux ans, et de l'action de terrain auprès des élus qui était faite parce qu'est devenu Bretagne Réunie. Alors que là, avec 44 Braise, on rentre plus sur de l'action de terrain, en fait, de l'action de rue. Alors, avec Aïta et avec 44 BZH, on voit que les deux marquent une séparation avec les partis politiques, ce qui est assez intéressant là-dessus, le rapport aux partis est un peu différent entre les deux. Il y en a un qui se définit comme apolitique, Aïta, et l'autre qui se définit, 44 Braise, comme apartisan. C'est-à-dire que, en fait, ils ont refusé le terme d'apolitisme pour celui d'apartisan parce qu'ils cherchaient à mettre une image claire sur le rapport avec l'extrême droite, en fait. Ils voulaient que le groupe s'assume comme antifasciste, en fait, et qu'il ne laisse pas la place aux militants bretons d'extrême droite dans les mobilisations pour la réunification. Et quelque chose qui peut avoir des conséquences importantes dans la dernière manifestation à Nantes, peut-être vous le rappelez, qui a eu avec Bretagne Réunie, il y a eu tout un battage médiatique autour de la question d'un cortège d'extrême droite dans la mobilisation. Donc, alors ça, c'était beaucoup des thématiques que 44 places a abordé déjà. Dernière innovation en date, à propos des luttes pour la réunification, c'est Dibab, le breton choisir. Alors, c'est une plateforme qui est créée en 2014 avec la volonté de peser sur le débat qui est lié à la réforme territoriale, alors, au fond de la carte des régions. Il y a une étudiante rennaise, Jeanne Poutou, qui a d'ailleurs fait un mémoire là-dessus. Alors, peut-être ça donnera lieu à une intervention. Il y a beaucoup de choses à dire sur Dibab, moi je vais faire assez rapide. Mais c'est une démarche qui est inspirée des votations de la CUP, qui est le parti de gauche radical catalan, indépendantiste, et qui cherchait à faire des votations en fait, pour obtenir un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Et alors, du coup, là, c'est Dibab qui va le faire pour la question de la réunification. Mais pas que, parce qu'il y a deux questions qui sont posées par Dibab dans ces votations. Il y a à la fois, êtes-vous pour la création d'une nouvelle région Bretagne intégrant la Loire-Atlantique et les quatre autres départements bretons ? Et une deuxième question, êtes-vous pour la fusion des conseils départementaux et du conseil régional au sein d'une même assemblée de Bretagne ? Alors la présente, la deuxième question, elle est intéressante. Elle marque un peu comme avec 44 Braise. D'ailleurs, la plupart des gens confondés Dibab viennent aussi de 44 Braise. Une volonté d'apporter une ligne politique plus radicale sur la question de l'autodétermination et sur l'évolution institutionnelle de la Bretagne. Alors qu'en soi, les mobilisations, la mobilisation comme avec Bretagne Réunie, parfois, n'existe que sur la question stricto sensu de la réunification. Alors avec Dibab, on a un mouvement qui est historiquement situé dans la gauche, à la gauche des mouvements bretons, déjà avec Aïta et 44 Braise aussi, même si Aïta est plus lié à la gauche autonomiste alors que 44 Braise à la gauche indépendantiste. Mais là, avec Dibab, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit que, pour le coup, l'image qui est donnée de cette famille politique est concernant transformée. C'est-à-dire qu'il y a la création d'une image, entre guillemets, sérieuse qu'il y a à Dibab. Parce que, notamment, ça passe par la nécessité de faire un travail avec les élus locaux, en fait, dans les mairies pour organiser des votations. Et alors Jeanne, dans son mémoire, elle fait référence à des échanges qui sont assez intéressants là-dessus, en termes de représentation de la gauche indépendantiste sur ces questions-là. C'était en fait, elle fait référence à un militant de Dibab, qui est reconnu par une journaliste qui avait travaillé sur Notre-Dame-des-Landes, et notamment sur les violences au moment de l'intervention policière à Notre-Dame-des-Landes, et elle lui disait « Ah bah c'est bien, vous vous êtes calmé, vous êtes assagi, maintenant vous faites des choses comme ça ». Et alors qu'au final, en effet, l'imaginaire, la présentation, même les codes, couleurs, symboliques, utiliser le vocabulaire utilisé par les militants de Dibab sur cette question, pour le coup, c'est sûr qu'il fait beaucoup plus lisse, entre guillemets. Et on s'est pour le coup très très très éloigné des questions, même de l'imaginaire lié à la question de la violence et de la clandestinité. Et là, pour le coup, à la différence d'Aïta et de 44 Braise, on va dans le plus en plus légal, en fait, parce que non seulement Dibab est non-violent, mais il est entièrement légal. Alors que Aïta 44 Braise, il y a de la non-violence, certes, mais aussi, il y a aussi quand même le fait de revendiquer des pratiques illégales, puisque vues comme légitimes. Alors, au final, les années qui succèdent l'affaire Kever amènent la disparition de la violence politique bretonne clandestine, qu'on pourrait appeler, en fait, la violence bretonne classique. Mais ça n'apporte pas de vide dans les mouvements politiques bretons. Et au contraire, on voit un véritable renouvellement générationnel et organisationnel. Et de plus, une réorganisation qui se fait avec à la fois des codes hérités, clairement hérités de la période de la clandestinité, mais avec aussi une réintégration de cet imaginaire et une transformation. Et ce qu'on observe au final, c'est pas tant la disparition de la violence politique bretonne que sa baisse d'intensité et son évolution dans une réappropriation par des jeunes militants. Donc là, voici quelques exemples des résultats en fait liés aux votations. Alors pour l'instant, Dibab il est en sommeil d'ailleurs, il sera peut-être relancé plus tard, ce que disent les militants. Donc, ils ont déjà un bilan mitigé en fait en termes de répertoire d'action. Est-ce que ça a été un répertoire d'action qui a permis des gains importants ou pas? La réforme est passée, sans que Dibab ait pu influencer dessus, et le gros frein qu'ils avaient eu, c'était la participation, hein, comme le record, du coup là c'est 20%. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vais essayer de faire vite parce qu'il est déjà midi, donc je vais essayer de me dépêcher. Alors, entre tradition militante et réinvention des cadres d'expression du politique. Alors là-dessus, on va aborder les nouvelles formations bretonnes qui arrivent dans la pré-affaire Quévert. Donc il y en a trois principales nouvelles qui sont apparues et qui existent encore aujourd'hui. Et qui, pour le coup, font tous les chéquiers politiques bretons, parce qu'on va de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec le parti breton, Atsao et Brésistance. Alors, je vais commencer par parler du parti breton. Alors, un titre un peu provoque là-dessus, hein, vers une notabilité indépendantiste. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? On va le mettre en rapport en fait avec l'histoire de l'indépendantisme. Et pour le coup, sur la question de la violence et de l'imaginaire, là, c'est assez intéressant à voir. Donc, pour reprendre leur ordre d'apparition chronologique, c'est le parti breton qui est le premier à apparaître. Alors, à la fin du XXe siècle, la droite militante bretonne, elle est structurée autour du POBL, donc peuple en français, qui est l'acronyme pour partie de l'organisation Bretagne Libre. Alors, un nom qui fait référence au MOB, pour le coup, qui était le premier parti, enfin, un des premiers partis à se créer après la Deuxième Guerre mondiale, qui était le mouvement pour l'organisation de la Bretagne, et qui fait plus ou moins office, en fait, d'une résurgence d'un nationalisme breton hérité de l'entre-deux-guerres et des années 30, dans les années 60. Et bah c'est de ce parti-là ensuite que des jeunes sont séparés pour créer l'UDB. Alors le POBL, il se place un peu dans la même veine que le MOB. Là-dessus, il y a une politique nationaliste un peu classique, d'une droite qui se veut un peu modérée, mais qui se réclame ni de droite ni de gauche. C'est le slogan « Narui Nagwen », qui en général est surtout pas de gauche, c'est clairement situé à droite tout de même. Et on pourrait le rallier à la tendance « fouériste » entre guillemets des mouvements bretons, c'est-à-dire les idées proches de Yann Fouéré, qui est un acteur bien connu en fait, hein, qui est issu de l'entre-deux-guerres et de la collaboration, et qui reprend à son compte différentes idées de cette époque, qui les réactualise un peu dans l'après-guerre. Notamment, il y a un livre très connu, Le Repoussant Drapeau, ou Mille Drapeaux, donc sur la question du fédéralisme notamment. Alors c'est une pensée politique qui a certaines tensions en fait, qui oscille entre construction d'un courant de pensée nationaliste modéré et respectable, qui cherche l'unité, on pourrait presque appeler ça même de l'unitarisme, dans le côté ni droite ni gauche, breton seulement, pour faire quelque chose d'union, un concept d'union nationale autour d'un parti commun. Et c'est un combat qui parfois oscille entre un aspect qui se veut modéré et pas du tout extrémiste, en même temps qui se pense aussi comme révolutionnaire un peu dans le combat pour le fédéralisme, contre le centralisme, pour la volonté de construire une Bretagne autonome indépendante, contre une République centralisatrice, etc. Ça oscille un peu entre deux héritages là-dessus. Alors il y a deux formations du coup qui vont être issues du POP, qui vont recomposer les droites bretonnes, donc Atsao et le parti breton. Leur point de départ, c'est le même, leur trajectoire du coup sont pour le coup très très très distinctes entre les deux. Et leur longévité, pour le coup, est actée sur les deux dates des années 2000. Et ça permet de concevoir un peu une feuille de route différente de deux droites bretonnes qui ont vraiment pris des chemins très opposés. Moi, j'ai analysé ça en termes d'inclusivité et d'exclusivité. Alors, on va revenir voir pourquoi. Alors, le parti breton, c'est l'apparition, je pense, d'un nationalisme version modérée qui relève de certaines spécificités par rapport à l'histoire des mouvements bretons. C'est-à-dire que idéologiquement et sociologiquement, le PB pourrait plus se rapprocher de ce qui a existé avant, beaucoup d'organismes qui ont existé avant, mais qui étaient des organismes régionalistes. Par exemple, l'Union régionaliste bretonne, la Fédération régionaliste bretonne, le CELIB dans l'après-guerre, Atsao des années 30, qui n'est pas le même. C'est-à-dire que là où l'histoire des idées montre une filiation sur de nombreux sujets, entre le PB et des mouvements historiques qui peuvent exister de la sorte, une filiation en termes d'héritage pensée politique, économique, sociale, religieuse, les positionnements relatifs à la question bretonne diffèrent fondamentalement entre ce qui peut faire figure d'héritage du PB, d'héritage régionaliste, mais qui s'est transformé, enfin, dans un sens qui est réapproprié en termes indépendantistes. Parce que le PB se présente comme indépendantiste et l'assume complètement là-dessus, et ce qui est une originalité, en fait, pour la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. C'est-à-dire que s'assumer indépendantiste, c'est assumer une certaine radicalité politique. D'autant que pendant très longtemps, en fait, tout ce qui était lié à la question indépendantiste était, avait tout de suite une image extrême. Et on peut même se demander, du coup, c'est une réflexion qu'on pourra en débattre, qu'on peut avoir, c'est est-ce que l'apparition du PB et d'une sorte de notabilité indépendantiste n'est pas, en fait, la page refermée de 1911, où en 1911, ce sont des jeunes indépendants, enfin, séparatistes, on dit à l'époque, mais qui vont bousculer le régionalisme. Et qui vont de base se constituer en ce qui est devenu une forme de groupuscule, ils sont très minoritaires, et parce que leur message est très très radical en fait. Et même les régionalistes les excluent de leur théorie en disant non, nous on n'a rien à voir avec ces gens-là. Et là en fait, et même sur tout le XXe siècle derrière, en termes d'imaginaire, en termes de représentation de l'indépendantisme breton, on va dire qu'il est plus lié à ce genre d'image, l'image de la cagoule, qu'à l'image du costume ou de la cravate au parti breton. Quoi. Alors, moi, je pense qu'en fait, on peut aussi analyser cette émanation du parti breton, qui dure dans le temps, en plus, hein, qui a maintenant 16 ans d'existence, comme aussi à mettre en lien, en fait, avec un contexte un peu particulier, celui, alors, on peut le qualifier de différents termes, hein, celui de marchandisation de l'identité bretonne, mais bon, qui est malheureusement un terme un peu limité, hein, une dimension un peu trop économico-économique. Alors ça, dans le titre, je mettais la Brace Touch, un peu l'image d'une Bretagne Jet Set, en fait, qui est beaucoup aussi une nouveauté. Alors, pour parler de ça, on peut parler de plusieurs choses, hein, par exemple de produits en Bretagne, on peut parler d'une association qui est créée en 95 et qui, pour le coup, relève effectivement d'une marchandisation de l'identité bretonne. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose d'un peu nouveau, c'est que la Bretagne, ça fait vendre, en fait. Et de plus, l'entreprise Produits en Bretagne, enfin, l'association, assume le fait de défendre une légitimité politique à un développement économique de la Bretagne. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de communication et de merchandising. Il y a aussi l'idée assumée d'amener le développement économique d'un territoire, etc. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut lier avec l'apparition de l'Institut Locarn, qui est un think tank officiellement, qui se revendique comme tel, un groupe de pensée. Qui pourrait faire un peu office d'une forme de MEDEF breton, si on veut, et qui est lié d'ailleurs à un produit en Bretagne. Et s'il fallait en plus donner un peu un titre de presse sur toute cette époque, en fait, de l'apparition d'une nouvelle bourgeoisie bretonne, etc., ça serait le magazine Breton, qui a été créé en 2005, et qui veut faire la part belle au cliché, en fait, sur la question de la Bretagne, et qui ne veut pas être un magazine, comme il y en a beaucoup qui existent de la sorte, qui traite de culture et d'histoire, mais qui veut être un magazine avec beaucoup de photos, de portraits, qui veut montrer en fait la société bretonne d'aujourd'hui dans toutes ses composantes. Mais du coup, ça passe aussi par des chefs d'entreprise, ça passe par des gens qui innovent, etc. Et donc, ça, pour le coup, ça change clairement la vision de le militantisme breton comme violence politique, comme extrémisme politique, etc. Là, on passe dans une époque, en fait, les années 2000, où l'image de la Bretagne se transforme considérablement. Moi, je ne pense pas qu'on puisse analyser l'apparition du parti breton sans mettre en lien avec tout ce contexte. Alors, ces différentes initiatives sont du coup une nouveauté assez large, en fait, au niveau de l'histoire des mouvements bretons, et elles symbolisent un peu un arc de pensée nouveau, social-démocrate, social-libéral, qui jusqu'à présent était très peu lié aux questions politiques bretonnes. Enfin, il n'y a pas de parti vraiment indépendantiste qui défendait ces lignes-là, autant que puisse le faire le PB. Alors, du coup, le parti breton, c'est un peu la représentation politique d'un État plus global, en fait, d'un phénomène un peu plus général. Alors, idéologiquement parlant, c'est un parti qui va se définir comme républicain, réformateur, européiste et libéral. Libéral au point de vue économique et politique. C'est aussi une nouveauté, ça, en termes de militantisme breton. Et par exemple, l'article 2 de ses statuts pose la primauté de l'individu dans ses actions. Alors c'est un parti politique qui est beaucoup lié à la question des élections, dont la vie militante passe beaucoup par la question électorale et par la volonté qui est d'ailleurs assumée d'avoir des élus. Et on a une carte, voilà. Donc le parti breton, il a eu des résultats assez faibles au final au cours de son histoire, bon, un peu comme l'ensemble des mouvements politiques bretons, enfin des partis politiques bretons en général. Il y a quand même des scores qui peuvent aller parfois autour des 5%, comme à Pouy-d'Almaison en 2011 pour des cantonales. Et, autre exception, lors des européennes, donc ça c'est la carte des résultats au moment des européennes, donc là pour le coup est un peu particulière parce qu'on voit bien que c'est tout le POER là qui vote majoritairement, parce qu'en fait il y avait une alliance entre parti breton et Christian Trois-Deck. Mais ça a permis de faire des bons scores, hein, 8% dans les Côtes-d'Armor, 11% dans le Finistère. Mais ce qu'on voit aussi, du coup, en termes de sociologie électorale là-dessus, c'est que le parti breton, quand il s'allie avec Trois-Deck, il réussit en fait à avoir l'électorat de Christian Trois-Deck autour du pouvoir, mais il n'arrive pas à amener son propre électorat particulier, en fait, en plus. Enfin, en tout cas, il a un peu de mal. Et ils réussissent malgré tout à avoir des élus, hein, notamment Yves Pell à Rennes ou Olivier Berthelot à Bruges. Alors du coup, je vais avancer un peu parce que là, le temps file. Donc ça, c'est la dernière liste du coup présentée par le Parti Breton qui avait fait autour de 0,4% au régional. Alors Atsao, là, c'est une autre nouveauté qui là, pour le coup, est aussi quelque chose de très particulier. Alors, qui est issu du Bob également, fondé en 2000 également, par Patrick Montausier, qui est un ancien du FLB, qui est connu pour avoir fait l'attentat du château de Versailles. Alors, à l'origine, c'est un mouvement qui semble se situer dans le nationalisme breton traditionnel et qui se réfère idéologiquement beaucoup à la période de la guerre, et plus à la période de la Deuxième Guerre mondiale qu'aux années 70 en termes d'héritage de pensée. Et en termes de symboles, on voit une réappropriation des symboles qui est pour le coup très nouvelle et inédite et assumée. Et alors c'est aussi lié au fait qu'il y ait une question historique est très importante dans l'idéologie d'Atsao. C'est quelque chose d'assez courant au nationalisme breton de droite en général. Et du coup, ça va du coup, pas mal de références, cette volonté d'assumer un héritage politique, assumer l'héritage de la pensée de Mordrel, de Beauvais, des militants nationalistes des années 30 et 40. Et le fait que ça fait aussi ouvertement, pour le coup, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi dans l'histoire des mouvements bretons. Une autre volonté de s'affirmer dans la continuité de cette époque-là, par exemple, c'est le fait que, à la création d'Atsao, le président d'honneur du parti, jusqu'à sa mort en 2007, c'était Alain Nayon, qui était un ancien du PNB. Alors, au départ, c'est un militantisme qui est assez classique, en fait. Collage d'affiches, organisation de congrès, même participation à des élections, enfin une, avec d'ailleurs des scores assez honorables, entre 2 et 6% au cantonal en 2008. Et du coup, une revue aussi, une revue Warrock, qui est tenue par Patrick Montausier. Et donc au début, c'est comme ça, en fait, la vie militante d'Atsao, dans ses premières années, elle est assez liée à ça, une forme assez classique de militantisme nationaliste breton, un peu traditionnel. Mais depuis quelques années, alors là, pour le coup, il y a un changement, en fait, un changement très net dans le militantisme d'Atsao. Et il devient de plus en plus clairement, en fait, situé dans ce qu'on appelle les nouvelles droites ou le néofascisme européen. Pour faire rapide, parce que c'est une histoire très compliquée, mais l'histoire de ces courants de pensée, en fait, elle est déjà longue et ancienne. Elle commence notamment en Italie, tout de suite après la guerre, notamment sur l'influence de penseurs comme Jules Evola, qui ont été des penseurs, en fait, du fascisme et qui, après la guerre, en fait, sont liés à une nouvelle jeunesse militante néofasciste et repensent retravaillent les idées, en fait, dans ce cadre-là. Et c'est, par exemple, un des mouvements qui vont, sur la question du pouvoir, s'inspirer énormément de Gramsci, en fait. Alors, quelque chose d'assez, le penseur révolutionnaire antifasciste Gramsci, qui est mort en plus dans les prisons de Mussolini. Mais des mouvements comme Casapan, qui est un mouvement néofasciste italien, ils ont des bustes de Gramsci, par exemple, dans leur bâtiment. Et en fait, c'est par rapport au concept d'hégémonie culturelle qui reprennent du Gramsci. Donc, pour faire rapide, Gramsci, il dit que il réinterprète le marxisme en disant que la bourgeoisie n'est pas dominante que parce qu'elle a l'État en main, mais parce qu'elle a en fait une hégémonie culturelle plus large sur la société. Et du coup, c'est réinterprété par les nouvelles droites comme, puisqu'on ne peut pas accéder au pouvoir ni par les urnes ni par un putsch, et bah, du coup, il faut qu'on influence, en fait, qu'on crée notre hégémonie culturelle et qu'on impose en fait notre idéologie dans le débat public comme ça, sans avoir accès, et pour triompher, sans avoir accès au pouvoir. Alors c'est notamment c'est quelque chose c'est très large, en fait. Ça peut aller à la fois des partis de droite classiques jusqu'aux partis d'extrême droite. Par exemple, le Front National qui a réussi à imposer certains thèmes comme l'identité nationale. D'ailleurs, ça, c'est des conglomérats sémantiques. Alors ça aussi, c'est une inspiration ancienne du coup des mouvements d'extrême droite. C'est-à-dire, c'est lié deux concepts ensemble qui n'ont pas forcément pour amener les débats vers une thématique. Donc identité nationale, par exemple les questions d'insécurité, d'immigration que le Front National a réussi vraiment à poser au cœur du débat politique français, ça relève vraiment de ce genre de stratégie des nouvelles droites dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et ça passe aussi par des réappropriations en fait de méthodes liées parfois à l'extrême gauche dans ces mouvements-là, par exemple comme Casapan que je disais en Italie, ou les mouvements identitaires en France qui vont ouvrir des squats, faire des réseaux de musique alternatif, des AMAP, ce genre de choses, qui sont plus liés en fait aux mouvements d'extrême gauche, mais qui sont récupérés par les mouvements d'extrême droite. Alors ça peut paraître un détour un peu long en fait, pour présenter l'évolution d'Atsao, mais c'est important en fait pour comprendre l'évolution conceptuelle et stratégique de ce parti-là dans la seconde moitié de son existence, en fait. C'est un parti qui se revendique d'un nationalisme breton, mais avec son évolution récente, il est plus cohérent à définir, en fait, comme un parti de la droite radicale identitaire européenne. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette évolution-là, on voit aussi une transformation idéologique d'Atsao qui va beaucoup plus axer ses thématiques et ses axes de mobilisation sur des questions qui sont plus vraiment liées à la question bretonne, en fait, sur ces questions d'islam et d'immigration. Alors, par exemple, quelques exemples en fait, de visuels produits par Atsao. Donc, pas de minage en Bretagne. Alors ça, c'est intéressant, celui de Bretagne une et indivisible. Alors, est-ce qu'on peut l'analyser comme étant une volonté de récupérer des électeurs du Front National dans le giron d'Atsao? Parce que c'est quelque chose d'assez récurrent là, ces dernières années sur la mobilisation de ce groupe-là. Alors peut-être, pour parler de la réunification, c'est que c'est rare de voir une référence à ce slogan. Voilà d'autres types de typos faites par Atsao. Celle avec la poubelle et le bonhomme, ça c'est intéressant de voir en fait parce que c'est un vieux symbole de l'indépendantisme breton, mais qu'à la base il y avait le drapeau français qui était jeté à la poubelle. Alors là c'est immigré, réfugié qui est jeté à la poubelle. Donc ça illustre un petit peu du coup cette évolution. Alors sur l'immigration par exemple, Atsao se présente. C'est du beau. Ah non, c'est vraiment leur. C'est moi-même qui plaisante. Pas bien. Et du coup, alors sur l'immigration, Atsao se présente en plus comme un défenseur de l'Europe et de la Bretagne. Il y a un aspect européen qui est très très mis en avant par le groupe. Alors d'ailleurs, là j'avais mis cette citation au début. C'est un parti qui défend enraciné dans un passé glorieux. Et donc, en plus, en termes d'influence idéologique, c'est un parti qui prend beaucoup d'exemples sur l'Europe de l'Est, en fait, qui s'en inspire beaucoup, notamment la Hongrie de Orban et la Russie de Poutine. Vraiment, je cite, l'Europe de l'Est est présentée comme le foyer de la résistance identitaire européenne dans les papiers d'Atsao, c'est le genre de phrase qu'on peut lire. Et concrètement, si on revient aux dernières mobilisations de ce groupe, on peut trouver des mobilisations contre la drogue, voilà, à Vannes, qui était le 25 avril 2015, mobilisation contre l'imam de Brest, de Pontanezen le 10 octobre 2015, contre une mosquée à Quimper, contre l'immigration en novembre 2015 à Pontivy, contre un squat à Rennes, la ferme Marivonne en mai 2015, et récemment à Arzon aussi, par rapport à des réfugiés qui sont arrivés avec une histoire d'agression sexuelle. Et à côté de cela, il y a une présence très faible, voire inexistante, dans les mobilisations classiques du mouvement breton, notamment celle sur la question de la langue ou de la réunification. Par exemple, ce que je disais, la dernière manifestation Bretagne réunie à Nantes, pour le coup, c'est Yaouan Kiz Vreis qui s'est présenté comme étant le groupe qui venait, mais qui est en fait un lien entre Atsao et l'Action française. Alors c'est la question de l'islam et de l'immigration qui est omniprésente aujourd'hui dans les rhétoriques d'Atsao. Alors c'est quelque chose qui, selon Montausier, est présent dès le départ en fait. Alors lui, il dit qu'il a créé Atsao parce que les questions d'immigration et d'islam n'étaient pas acceptables au sein du peuple. Et c'est un parti, là pour le coup, qui est grandement sur une logique du coup d'exclusion anti-islam, anti-immigration, mais un terrain qui est un peu une chasse gardée du FN, et en plus des idées, enfin une vie politique autour de ces questions qui existe plus dans la sphère aujourd'hui médiatique et institutionnelle, auxquelles Atsao n'a pas accès. Alors d'où le fait que malgré une existence assez longue, malgré le fait qu'il réussisse à mobiliser toujours une centaine de personnes à chacune de ces mobilisations, c'est quelque chose qui est quand même qui est très ostracisé en fait dans les mouvements culturels et politiques bretons. Bah, dans les entretiens, on voit par exemple des gens d'Atsao qui disent ne pas vouloir mettre leurs enfants à Diwan parce que c'est trop à gauche. Il y a eu aussi des dégradations de locaux de Skonam Zao, par exemple, enfin, avec des autocollants, c'est une dégradation légère, mais faites par les revendiqués par Atsao, ce genre de choses, parce qu'ils sont assez largement mis au banc, en fait, des mouvements bretons classiques. Et, par exemple, il y avait un échange intéressant que j'avais trouvé sur leur site, à leur dernier congrès, le congrès en 2015. Le parti breton avait fait une note pour dire à ses adhérents, à ses membres, qu'ils seraient exclus si jamais ils allaient au congrès d'Atsao. Ce à quoi Atsao répond, au contraire, la présence d'une délégation du parti breton aurait été une avancée significative dans la mise en place de liens qui, dans certaines occasions, nous permettraient de lutter coude à coude. Hélas, notre ouverture d'esprit, notre tolérance n'est pas l'apanage de tous. Atsao, pour paraphraser un de nos illustres aïeux, ne reconnaît pas d'ennemis sur le terrain de la défense de la Bretagne. Alors, je suis, c'est un Mandrel Wafoué qui fait une référence. Mais voilà. Alors, c'est vrai que du coup, Atsao est très. Est très ostracisé et reprend un peu un discours qui existe au PB, mais de façon bien moindre, celui d'une Aru Nagwen, ni droite ni gauche, l'idée de faire l'union entre les militants bretons. Mais en fait, vu qu'ils sont ostracisés de fait par même tout un ensemble du mouvement culturel et par une grande partie des mouvements politiques, Et bien en fait, ils disent ce sont les autres les intolérants parce qu'ils ne veulent pas nous accepter tel qu'on est. Ben voilà. Alors, ensuite, alors là, je vois qu'il est déjà midi 20. Alors, ça, d'autres, ça, c'était la mutilation à Quimper, du coup, avec un manifestant qui a une crampe au bras. Et voilà. Alors, du coup, je vais faire très très vite là pour finir. Je vois qu'il est déjà midi 20, si on va pouvoir débattre un petit peu. La dernière, dernière nouveauté en date, c'est Brésistance, qui est créé un peu plus tard, beaucoup en 2009. Alors, c'est un mouvement qui est directement issu d'Emgand. Et au début, les deux ont un peu cohabité, en fait, parce que certains d'Emgand n'avaient pas souhaité rejoindre Brésistance. Donc, Emgand avait maintenant disparu, mais quelques années où ça a un peu cohabité. Alors, à la fin des années 80, en fait, quand on veut refaire toute l'historique un peu de Brésistance, il faut revenir à cette période-là où Emgand connaissait beaucoup de difficultés dans les années 80. Ils ne sont même pas passés loin de l'autodissolution. Et dans les années 90, alors, il y a une nouvelle génération de militants qui est arrivée. Une génération plus jeune, une génération sociologiquement plus urbaine que rurale, et présente, très présente dans les mouvements sociaux, notamment c'est cette époque-là, l'époque du CPE par exemple en fait. Hein. Et c'est d'ailleurs des militants qui vont être beaucoup représentés dans les comités Nantes, Rennes, Fougères, Guingamp, d'Emgand, et qui vont ensuite être à la base de Brésistance. Alors, ce sont par exemple des gens qui vont organiser des marches pour l'indépendance dans les années, fin des années 90. Il y en a eu trois qui sont déroulées en tout. Il y en avait une qui devait se tenir d'ailleurs quelques jours après l'affaire Kéhever et qui du coup a été annulée, ce qui, a été, enfin, qui avait créé des tensions d'ailleurs au sein d'Emgand pour la fin de cette partie-là. Alors c'est une génération qui reprend et réinvestit largement le discours de gauche radicale que portait Emgand. Il se place dans une certaine continuité historique qui est déjà ancienne pour le coup avec les idées de la gauche bretonne. Alors, beaucoup de continuité depuis les années 70, mais aussi une tradition conceptuellement qui remonte à plus loin dans l'aspect libertaire. Parce qu'avec Brésistance, on voit un aspect, peut-être en termes de changement idéologique, un aspect libertaire en fait, qui est un petit peu plus, un peu plus présent. Alors, du coup, là je vais parler rapidement des différents groupes, groupes ou groupuscules qui ont participé ensuite à la formation de Brésistance. Et qui, par rapport à Emgand, du coup, était sur une ligne plus libertaire, et même qui se revendiquait anarcho-indépendantiste. Alors ça, c'est par exemple des productions du CEBIL, Coordination Bretagne Indépendante et Libertaire, qui avait du coup le Hochoir, c'était son journal, et qui utilisait le gallo, le breton et le français. Et alors, autre groupe de la sorte, Fulor, des années, pour le coup des années 90, qui rassemblait des militants en fait, anarchistes, communistes, indépendantistes, notamment qui étaient liés à Gaël Roblin, et qui va ensuite devenir porte-parole d'Emgand et qui sera à la base de la fondation de Brésistance. Et du coup, Fulor, c'est années 90, et CEBIL, c'est plus années 2000. Alors c'est un mouvement, du coup, Brésistance, qui va, en termes d'idéologie, être très proche d'Emgand. En termes de pratique, il y a un élément intéressant en fait, de différence entre les deux, c'est que, par exemple, Emgand refusait de s'allier à des partis français, mais ne s'alliait que à des partis bretons, même s'il y avait une idéologie différente, alors que Brésistance, c'est l'inverse, en fait, c'est des alliances avec des partis proches idéologiquement, même s'ils ne sont pas des partis bretons. Et du coup, ça a été par exemple une alliance avec le NPA, par exemple, aux élections européennes de 2014, ou avec Europe Écologie pour les régionales de 2010. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a une alliance, mais qui est faite pour qu'il y ait une base idéologique commune autour de partis qui intègrent les questions d'autodétermination dans leurs revendications générales. Et ça, c'est une petite différence en fait qu'on peut voir entre les deux. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose ce qu'on voit avec la droite, avec le parti breton. C'est-à-dire que tout ce qui était quoi du POB et du MOB, c'était des partis qui faisaient très très peu d'alliances ou alors avec d'autres mouvements bretons. Alors que le parti breton a aussi des alliances avec ce qui était l'UMP qui est devenu les Républicains. Par exemple, Ispel qui est l'URN, c'est aussi il y a une alliance électorale de la sorte. En fait, c'est intéressant de voir que le mouvement de gauche et de droite bretonne, beaucoup ont tous les deux changé leur stratégie. Avec une, alors peut-être, est-ce qu'on on peut l'analyser comme ça, je vais finir là-dessus pour enchaîner sur le débat, sur est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'ouverture, puisqu'on est sorti de toute cette période de la clandestinité où il y avait une force médiatique importante dans la question indépendantiste qui peut-être lui permettait de vivre seul, et qui, par sa recherche d'un imaginaire de radicalité, ne voulait pas faire autre chose, et ne voulait pas faire de compromis qu'avoir une existence seule, à des partis qui, ayant dû se recomposer, et ayant dû faire, après, sans cette vie politique bretonne particulière, et aller chercher plus vers l'ouverture. Alors ça, c'est une question que je laisse en suspens. Alors, quelques images des productions, hop, dans les stances. Et du coup, moi, je voulais conclure là-dessus. On va pas trop avoir le temps de le faire. Mais sur les bonnets rouges, en fait, moi, je pense que les bonnets rouges, c'est l'événement qui marque un peu la fin de cette période entre Affaire Quévert et aujourd'hui. Je pense qu'il y a bonnets rouges, Affaire Quévert, c'est une période très particulière. Et l'après bonnets rouges, alors ça, ce sera quelque chose, je pense, à analyser différemment. Et en termes de violence, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour le coup la première fois qu'il y a de la violence politique bretonne, de la dégradation de biens là aussi, qui va être faite par des mouvements qui ne sont pas les mouvements classiques du militantisme breton, c'est-à-dire les mouvements clandestins ou les mouvements type 44 Braise. Mais avec les bonnets rouges, c'est la première fois qu'on voit un mouvement social, même s'il est éphémère, un mouvement social en fait qui revendique des idées bretonnes et qui va pratiquer l'action violente. Et alors ça aussi, c'est la première fois. Enfin, l'action violente, du coup, par la dégradation de biens, de portiques écotax, de radars. Et bah, là, c'est une photo de la manifestation Quimper aussi, avec confrontation avec la police. Et donc, alors, entre mouvements débordés, parce que les bonnets rouges, c'est arrivé en fait un peu sorti de nulle part. Et ça, quand on fait des entretiens, là, tous les militants vous diront qu'ils n'avaient pas du tout vu venir. Et ils ont tous été pris de court par cette mobilisation. Et en plus, là-dessus, ça demanderait plus d'entretiens sur les comités locaux des bonnets rouges, mais c'est beaucoup en fait, de gens qui sont arrivés dans l'action militante bretonne, qui n'étaient pas du tout liés aux organisations classiques de ces mouvements, et qui sont des néo-militants un peu en fait, de la cause bretonne, si on veut, avec les bonnets rouges, même s'il y a aussi des anciens qui sont recyclés dedans. Mais... Donc entre mouvements qui débordent et une violence qui déborde des mouvements, qui part vers d'autres choses, et qui est peut-être réappropriée par certaines parties de la société. Voilà, donc c'est la question en suspens là-dessus. Et je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, t'as pas tant que ça débordé parce qu'on avait commencé un petit peu tard. Nickel. Donc, il nous reste une demi-heure pour débattre, pour poser des questions, pour intervenir. Hein? Ah oui, une petite chose. Comme on ne s'est pas présenté tout à l'heure, c'est bien quand vous